La température, là aussi, pour les forêts qui ont peu de saisonnalité, certains ont montré donc une diminution de la croissance lors des années plus chaudes. Donc on l'observe, ça pas encore, enfin on l'a rien vu encore sur la Guyane, mais par contre ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on sait, c'est que la photosynthèse, elle est dépendante de l'efficacité de la photosynthèse est dépendante de la température. Donc c'est ce qui est représenté sur ce graphique. Donc là, c'est l'efficacité de la photosynthèse et là, la température. Donc quand la température augmente, on a de plus en plus de photosynthèse, donc de croissance. Et au-delà d'une certaine température, donc la photosynthèse devient bien moins efficiente et donc on a moins de croissance. Et en ce moment, on se trouve à peu près par là pour les forêts de Guyane. Et donc, au vu des scénarios donc de 3,3 degrés d'augmentation des températures de 2100, il pourrait y avoir une diminution de la croissance des arbres. Voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu des prédictions. Donc, la Guyane, c'est une zone de fort impact. Du changement climatique, comme vous l'avez vu sur les précédents graphiques. Et les risques majeurs qu'on attend pour la forêt, donc là c'est dans les pires des cas, hein, bien sûr, c'est une forte hausse de la mortalité, une augmentation des feux dues aux saisons sèches plus intenses, et vraiment dans le pire des scénarios, une transition de la forêt vers la savane. Donc ces questions-là, c'est des questions qui sont très importantes maintenant dans la communauté scientifique et aussi dans le laboratoire où on travaille, où on développe en ce moment deux projets, donc Climfor et Guyasim, donc pour faire des outils de prédiction et intégrer les scénarios climatiques afin de mieux prédire les effets du changement sur la forêt. Voilà. Merci.